Le Trois Courants, le quotidien coréen de Dong Simun a inséré un écrit de Kim Chol-myung sous le titre « Le nucléaire coréen est le symbole absolu de la défense de la paix et la richesse nationale ». En voici le résumé. La détention nucléaire de la Corée est le corollaire des chantages nucléaires des États-Unis et de leur politique d'hostilité envers elle. La République populaire démocratique de Corée, qui fait l'objet constant des attaques nucléaires des Américains depuis la première époque de la naissance des armes nucléaires dans le monde jusqu'à aujourd'hui, subit en permanence des menaces nucléaires. L'abominable politique américaine d'hostilité envers la Corée se base sur la stratégie de domination d'Asie-Pacifique, voire sur la stratégie d'hégémonie mondiale. Le nucléaire de la Corée est un moyen puissant éternel de la défense de la paix. Maintenant, les grands pays qui se disent grandes puissances nucléaires abandonnent même les rapports amicaux traditionnels apeurés par les chantages nucléaires américains. Une telle réalité sérieuse montre clairement que l'unique force pour prévenir les catastrophes nucléaires dans la péninsule coréenne et maintenir la paix de la région est le puissant potentiel militaire de la Corée reposant sur les forces armées nucléaires. Le nucléaire de la Corée est le symbole absolu de la dignité et de la force de notre République et un gage éternel de la prospérité nationale. Il s'agit de la vie et des intérêts suprêmes de la nation jamais abandonnables et irremplaçables tant que les menaces nucléaires persistent sur ce sol. Fabriquer massivement des armes nucléaires et moyens de frappe nucléaire de haute précision et diversifiés jusqu'à ce que les États-Unis et les pays satellites s'avisent de faire un choix correct et renforcer par tous les moyens l'arsenal nucléaire de la puissance Baekdusan, voilà notre volonté et notre position invariable.